بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد طيب justement on parle encore une petite fois du Muthanna pour voir si tout le monde l'a bien compris طيب عندك يا إبراهيم نوع المثنى المثنى سي كوا المثنى ديالو نجيو هنا طيب كومون فورم المثنى يا الف والنون ها على المفرد فاذا فيها الف والنون سيكون ماذا مرفوع منصوب مجرور مرفوع Si on trouve l'alif ou l'nun, c'est-à-dire que le muthana ici, là, il y aura une place de quoi? De marfou. On n'a pas étudié le majrour. Ça ne viendra que dans le deux, ça. Al-muthana, majrour ou mansour. Taïb. Barakallahu fik. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Wahbi, qu'on dit, wa kana salihan li tajridihi. On vient de dire, là, pour former le muthana, il faut lui rajouter quoi? Alif ou l'nun par rapport à son singulier. Taïb. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot que je viens de dire? Il restera sa racine. Hein? Mithal, un exemple. C'est-à-dire, si on enlève l'alif ou l'nun, le mot qui restera, c'est le mot de base. Un exemple de ce qu'on vient de dire. Comment? Tu nous donnes un exemple, si tu nous le fais comprendre. C'est-à-dire, si tu nous fais comprendre la fin de cette signification du mot thana. Rajulani, taïb. C'est-à-dire, si tu enlèves l'alif ou l'nun, il reste quoi comme mot? رجل طيب ما الفائدة أن نستعمل المثنى لو فات ديتيزي المثنى سي كو الفائدة لو بروفيت الولد والولد طيب ها سي لو فات سا نو بيرمي ديفيتي دو ريبيتي جاء الولد والولد سي كومبري سا الوغ لو فات دو دير كوا جاء الولدان سي كومبري سا طيب عندك عبد الكريم lisanun c'est muthanna parce qu'on a dix fois alif wa nun à la fin c'est ça hein? Ouais. Comme waladu al waladani al rajulani طيب lisanun lisanun mais non écris le lisanun voilà il y a alif wa nun regarde ah ouais hein ouais il est mais c'est pas un muthanna pourquoi c'est pas un duel. On a dit que le muthanna c'est quoi? C'est un surplus. On rajoutera par rapport au singulier Ali fois Noun. Tout le monde y est là? Taïb. Taïb. On a dit quoi? Al muthanna. On va rajouter Ali fois Noun à son singulier. Taïb. La lisanun, alhamdoulilah, il y a alif wa nun. Mais quoi? Si j'enlève, ouais. Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Ahsant. C'est-à-dire, si on enlève alif wa nun de lisan, lis, il y a un sens? Là. Vous avez compris ça? Hissa, vas-y, toi dedans. Dans le duel, est-ce que le nun, il prend toujours une kasra? Ouais, bien sûr. Hissa, tu dis, al-waladani. Tu vois, alif wa nun. Pareil. Hisanun. Pareil. Comment on dit de langue? Comment? De langue, ça fait comment on dit? Hisanan. C'est simple. On a dû rajouter quoi? Alif wa nun. Allah y barik. Taïb. Hisanun. C'est muthanna? Hein? Pourquoi? Ah, si, c'est muthanna. Voilà. Parce qu'il y a alif wa nun. Si tu enlèves alif wa nun, ça veut dire quoi? Ça veut dire. Comment alors ça veut dire? T'as compris le muthanna? On rajoute, c'est-à-dire dès qu'on rajoute l'alif ou l'nun, ça devient un muthanna. Voilà, moi je t'ai dit hisanun, il y a l'alif ou l'nun. Écris le hisanun pour que tu comprennes. T'as vu? C'est compris ça les mots là? Hein, hisanun, ça peut pas être muthanna, pourquoi? Si on enlève l'alif ou l'nun, il va rester combien de lettres? Deux lettres, his. Allah ou ma'na. T'as vu? C'est pour ça, tu diras en général. al-muthanna, il sera toujours précédé de quoi? De trois lettres. Taïb? Voilà. Tu vois, ça va vous aider, ça. Comment? Tout le temps, ça. Ben ouais. Ça, après, on a, dans le 2, on en reparlera. Taïb? Tu regardes bien, si tu enlèves chaque fois, tu enlèves le alif wa noun, il y aura quoi? Il restera trois lettres. Parce que dans la langue arabe, il n'y a pas de mot déclinable. Déclinable à deux lettres. Mu'arab. Vous avez compris ça? Regardez bien. Al-Waladani, Al-Rajulani, hein, Muhammadani. Il y a minimum trois lettres. Minimum trois lettres avant le alif ou le nun. Taïb? Mais révisez les frères. Hein. Je vois que le Muthanna, là, on dirait que. Alors que c'est un dars important, ça. Hein? Et ça sert à rien de profiter que le fasse qu'on le fait maintenant, parce que dans Tuhfa, vous allez le faire. Alhamdulillah, si vous l'avez compris maintenant, ce sera que de la révision. T'as vu, Inch'Allah? Alors, on répète une dernière fois, comme ça, Inch'Allah, on ne reviendra pas dans le livre numéro 1. Al-Muthana, on a dit quoi? C'est un ism mu'arab. Taïb? Il y a quoi? Une ziyada de alif wa noun, puis quand il est marfoua. Taïb? Al-marfoua, ça peut concerner quoi? Al-fa'al wa al-mubtada. جاء الولدان فعل الولدان مريضان هنا مبتدا طيب اي بوكو انا دي زياده الف والنون بارابور ا كوا او مفرد كم سلام ça veut dire que l'alif wa noun il est quoi, il est en surplus par rapport à quoi, à son singulier, c'est compris ça, c'est à dire si j'enlève alif wa noun le mot il aura toujours un sens. Al waladani al madrasatani, si j'enlève alif wa noun il restera quoi, madrasatun ou al waladun. Taïb, barakallahu fikoum. Et après, on avait donné quoi comme exemple? Comme lisanun wa hisan, on a dit quoi? Même si à la fin il y a alif wa noun, mais ce n'est pas un muthana, pourquoi? Car si on enlève alif wa noun, il n'y a pas de ma'na. Hiss, aoulis. Vous avez compris? Alaykoum salam. C'est pour ça que tu verras quoi? Al-muthana, il sera toujours précédé de trois lettres. Taïb, minimum. Minimum de trois lettres. Mais mettez minimum. Hein, parce que on ne sait jamais. Parce que Madrasatoun, par exemple, il y a plus de trois lettres. Taïb. Un des kawahbi, le muthana, c'est spécialement pour l'aql ou rira aql? C'est pour les deux. C'est bon ce qu'il dit, wahbi? Oui. Donne-nous un exemple, aql. Par exemple, Rajulani. Rira aql? Kitabani. Kitabani. Ou Madrasatani. Taïb. C'est compris ça, Inch'Allah? Voilà. Inch'Allah, après, quand il y aura les livres de Médine, de Imla, il y aura des doros par rapport à ça. Parce que là, je crois qu'il ne nous a pas donné des exemples du féminin. Si, il y a. Par exemple, si à la fin d'un mot, vous avez le tamarbota, vous l'ouvrez. Madrasatani, muslim, ataïb. Vous avez compris ça? Voilà. Ataïb, bismillah. Il y avait quoi également? Le dars au niveau des chiffres. Dès qu'il y a. Brahim, tu étais là, le dars des chiffres? 2, 3, 10? Hein? Ceux qui ne sont pas là, les frères, rattrapez, hein. C'est quoi la lettre, la règle qu'on a vue? Commence par le chiffre. Le chiffre masculin. On n'a pas étudié le chiffre masculin. On parle du chiffre. C'est quoi le chiffre? Non. C'est 3, 4, 5, c'est un chiffre. Voilà. C'est toi qui as dû réviser normalement. Taïb. Toi, quand tu as révisé, tu as vu quoi comme chiffre? Talathatu ou Talathu? Mais pas ma question, Allah ibarak fik. Quand tu as regardé les chiffres, il y avait Talathatu ou Talathu? Voilà, ça c'est quoi ça? C'est un chiffre féminin ou masculin? Voilà. Taïb. Alors tu dis, quand il y a un chiffre de 3 à 10 féminin, qu'est-ce qui va se passer? Al-Ma'doud, c'est-à-dire la chose comptée. Al-Ma'doud sera masculin. Masculin, ouais. C'est-à-dire Talatatu Kitabin. C'est ça? Parce que c'est masculin, Kitab. C'est ça? C'est bon ce qu'il vient de dire? Hein? C'est bon? Et toi? Là. C'est quoi qui manque dans ce qu'il vient de dire, Ibrahim? Voilà. C'est pas, ça suffit pas, masculin. Masculin pluriel. Talatatu kutubin. Taïb? C'est compris? Est-ce que ça suffit ça également? Il manque quoi encore? il est majrour. Hein? Ça fera quoi? Thalathatu kutubin. Alors on a dit quoi? Si le chiffre, barakallahu fikum, al-adad, min thalatha ila ashr, il est féminin, al-ma'dud, c'est-à-dire la chose comptée sera quoi? Jam' mudhakkar majrour. C'est compris ça? Masculin, pluriel et majrour. Tout le monde a compris ça, inshallah? Taïb. Barakallahu fikum. Comment on dit le prix? Un prix ou le prix? Quand tu rentres dans un dokan, tu dis Kamada Faman, le prix, Taïb. Le bus. Al-Hafilatu. Si vous avez le pluriel, dites-le. Al-Hafilatu. Taïb. Question. Très bien. C'est des mots importants. Yachir indi soual, là où ça marche. Hakada. Tu apprends du vocabulaire et tu tabakh. Taïb. Pays. Très bien, mashallah. Passager. Andek. Rakiboun. Il jam. Rukab. Taïb. Ancien. Qadim. Qudama. Qudama. Très bien. La Grèce. Yunan. Non, après le reste, c'est facile. Taïb. Bismillah les frères, Ad-Dars, Al-Ashroun. Inch'Allah, on a bientôt fini. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Akhlaya. Ya Salma, Afi, Fasliki, Fasliki, Talibatun. Talibatun. Talibatun. Min Sini. Min Sini. Wal Yabani. Naam, Ya Salma. Salma, c'est un prénom de fille, attention, pas confondre avec Ya Salman. طيب أفي فصلك طالبات من الصين واليابان سيفون إبراهيم أبوتا نعم في فصلنا خمس طالبات طالبات طالبات من الصين وأربع طالبات من اليابان وثماني طالبات من إندونيسيا. طيب نعم من في فصلنا خمس طالبات من الصين وأربع طالبات من اليابان وثمان طالبات من إندونيسيا. بعد. وفي فصلنا ثلاث طالبات من الهند وست طالبات من الفلبين. تينا. فلبين. طيب وست طالبات. وست طالبات من الفلبين. وسبع طالبات من تركيا. نعم. كم أخت لك يا ليلى؟ نعم. لي ثلاث أخوات. وكم أخ لك؟ وكم أخ لك؟ نعم. لي خمسة إخوات. لي خمسة إخوات. Très bien. لك ثلاث أخوات وخمسة إخوات. نعم لك ثلاث أخوات وخمسة إخوات. وهبي نون أديك وطلق. J'ai posé la question à Ibrahim. On a dit si le chiffre de 3 à 10 il est au féminin, la chose comptée sera comment? Masculin pluriel. Et là on a إخواتين. Il est écrit comme au féminin. C'est quoi ça? C'est une erreur de frappe? C'est quoi? Je suis combien de lire là? Li khamsatu ikhwatin. Alors que la règle c'était quoi? Assalamu alaykum. Vous avez compris ma question, Inch'Allah? Khamsatu. Non, non, c'est ce que je viens de dire. La règle là, le dars d'hier c'était quoi? Le chiffre de 3 à 10 féminin, la chose comptée elle est au masculin, au pluriel. Et là on a quoi? T'as bien vu? Ikhwatin. Non, mais c'est masculin. Regarde, comment c'est écrit Ikhwatin. Avec un ta marbota. Mais ça, c'est un signe féminin, mais c'est pas forcément qui sont. Moi, j'ai parlé de ça il y a avant-hier, je crois. J'ai dit quoi par rapport à ça? On devait se référer à quoi? Au masculin, au singulier. Taïb, c'est-à-dire, nous, on ne regardait pas le pluriel. C'est-à-dire, à la base, Ikhwatin, c'est quoi son moufrad? Akhun. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Voilà. Ça veut dire on se réfère au singulier. Même si au pluriel, il est sous la forme de quoi ? Voilà. Barakallahu fikoum. Non. Au suivant ? Non. Naam. Wa kam akhan wa ukhtan lak. Laki. Li arba'atu ikhwatin wa arba wa arba'u akhawatin. Naam. Li zamilatun wa li zamilatun ismuha Khadijatun. Laha thamaniyatu ikhwatin wa thamani wa Très bien. Akhawatin. Naam. Tout, je pense que les mousses, tout est facile. Hein. Tamarin, celui qui a compris le dash d'hier, il va comprendre celui-là, Inch'Allah. Iqra wa ktub. Thalathu talibatin, arba'u talibatin, khamsu talibatin, sittu talibatin, sab'u talibatin, thamani talibatin, tis'u talibatin, ashru talibatin. Taïb. Ici, on a quoi ? Si le chiffre de 3-10 il est au masculin, taïb. Taïb. Ida kan al-adad min 3 ila 10 mufrad mudhakkar, yakun al-ma'dud jam' mu'annath, taïb, majrour. Taïb, c'est-à-dire si la chose, c'est-à-dire si le chiffre de 3 à 10 il est au masculin, la chose comptée sera féminin, pluriel et majrour. C'est pas difficile, Inch'Allah. Hein, c'est l'inverse total d'hier. On avait dit que le chiffre avec. avec ça va venir après. Ça. Je pense que c'est normal avec ces camions. Tu regardes en bas alors que moi j'explique ça. C'est pas... Ça va venir, dès qu'ils ont tous fini. Tout le monde a compris, Inch'Allah, ça ? Taïb, qu'est-ce que tu veux, Abdelkarim ? On avait dit comme quoi, ça faisait un mudaf mudafilay. Non. Mais est-ce que la chose comptée, est-ce qu'elle est toujours nakira ? Ou est-ce que ça arrive des fois qu'il y a un chiffre et que le mot d'après, il est... Il n'arrive pas. Ça va être talibat. Là, là. Comme cela, moi. C'est-à-dire, par exemple, il y a un chiffre et derrière il sera ma'arifa. Ouais, est-ce que c'est possible ? Parce qu'on a vu que des exemples où il était nakir. Wallah, allez. On demandera, Inch'Allah. Taïb ? Iqra wa ktoub. Bismillah, Abdelkarim, vas-y, lis. Fi baytina thalathu ghurafin. Ghurafin. Et la ghuraf, il a quel type ? De quelle forme il a ? Masculin ou féminin ? Tout le monde se concentre, Inch'Allah. Le frère vient de dire Fi Beitina Thalathu Ghurafin. Alors qu'on vient de voir quoi là ? Que si le chiffre il est, il est au masculin, la chose comptée sera comment ? Féminin, pluriel, majrour. Hein ? Tu dis quoi ? Thalathu Talibatin, Thalathu Muslimatin. Et là, devant nous, on a quoi ? Une écriture masculine. Qu'est-ce qui se passe là ? Comme l'autre, il faut regarder le singulier. Le singulier, c'est quoi son singulier ? Ghurfatun. Tout le monde a compris ? C'est pour ça, si vous voulez mettre entre parenthèses Ghurfatun, au cas où si vous avez oublié, vous allez comprendre que le mot de base, il est quoi ? Féminin. T'as vu, Inch'Allah ? Hein, ça, c'est deux exemples à apprendre. Ce qui est important, le jour où vous allez enseigner ce livre-là, il se peut qu'un frère, il fasse cette remarque-là. Il te dit, comment ça se fait que tu nous dis que de 3 à 10, si le chiffre, il est masculin, la chose comptée est au féminin ? Vous avez bien compris ? Alors que là, devant nous, on a quoi ? Thalathu Ghurafin. Il a une forme quoi ? Masculin ou une forme féminin ? Masculin. Alors tu diras quoi ? Tu regardes le mot de base qui est Ghurfatun. Hein, comme également l'inverse de quoi ? De tout à l'heure ? Rialun. Le pluriel, c'est quoi ? Rialat. Hein, pourtant, on dit quoi ? Indi Thalathatu Rialatin. C'est vrai ou non ? Tout le monde a compris ça, Inch'Allah ? Bismillah. Bien, Abdelkarim, c'est bien. Ouais, la même chose. À toi, Ibrahim, vas-y. Abaoud, s'il te plaît, Ibrahim, comme ça on suit. Fil Jami'ati Abaoud. Fil Jami'ati Ashru Hafilatin. Très bien. Fil Jami'ati Ashru Hafilatin. Au suivant. Fi hadhihi al-madrasati thamani مدرسات. Très bien. عباس له سبع بنات. Très bien. عباس له سبع بنات. Suivant. في بيتنا تسع زجاجة. Très bien, mashallah. في الجامعة خمس كليات. في الجامعة خمس كليات. نعم. في المستشفى عشر طبيبات وأربع ممرضات. Très bien. في المستشفى عشر طبيبات وأربع ممرضات. C'est quoi ممرضة؟ Infirmière. C'est bien. Suivant. خالد له ثلاثة أبناء وأربع بنات. نعم. خالد له ثلاثة أبناء وأربع بنات. Suivant. خمسة وست أخوات. Très bien. لي خمسة إخوة وست أخوات. Très bien. Très bien. Lana arba'atu a'mamin wa khamsu 'ammatin. Fi baladi khamsu jami'atin. Très bien. Fi dhalika ad-darsu thamani. Fi dhalika ad-darsi. Fi dhalika ad-darsi. كلمات جديدة. Très bien. Suivant. عندي ثلاثة مجلات. Très bien. عندي ثلاث مجلات. إن شاء الله tout le monde a compris. Hein? طيب. Et ça, on est dans le besoin tous les jours. Quand tu rentres dans le dukan, عندي ثلاثة par exemple. ثلاثة إلى آخر. C'est pour ça, et je pense, c'est un des plus faciles à apprendre ça. Tu vois, 2, 3, 10. Après le reste, ça se complique un petit peu. Grand 3. أجب عن الأسئلة الآتية مستعمنا العدد المذكور بين القوسين. Qu'est-ce que c'est le قوسين, ya Mohamed? C'est entre parenthèses. طيب. كم أخا لك عبد الكريم؟ Tu regardes entre parenthèses, c'est le chiffre 6, tu diras. عندي. عندي. 6. Attention, là, je crois que c'est mélangé. Hein. Il y a du masculin et du féminin. C'est pas comme hier. 6 tatoues. Très bien. 6 tatoues. 6 ou 6 tatoues. إخواتين. نعم عندي ستة إخواتين. كم أخت لك؟ لي خمس أخوات. خيبيا. لي خمس أخوات. كم بقرة في الحقل؟ ما معنى الحقل؟ حقل. كيف سأديره؟ شانت. خيبيا ما شاء الله. في الحقل عشر عشر بقرات. خيبيا عشر بقرات. بقرات. نعم بس كده سامبل يعني. طيب. كم طالبة جديدة في الفصل؟ في الفصل ستة. تسع. تسع طالبات. نعم. طالبات جديدة. كم طبيبة في مستشفى الولادة؟ كيف تدير مستشفى الولادة وهبي؟ très bien. نعم. mais sinon le mot en lui-même, est-ce que comment le traduire là؟ hôpital de la naissance. voilà. طيب. مستشفى هوبيتال ولادة نيسانس. très bien ما شاء الله. vas-y. فيها ثمان طبيبات. très bien ما شاء الله. كم حافلة في الجامعة؟ فيها ستو. ستو حافلات. حافلات. أبوت لي فخان pour tout le monde entend. بارك الله فيك. طيب. كم ابن لك؟ لي أربعة أبناء. أربعة أبناء. نعم. أربعة أبناء. كم بنت لك؟ لي ست. le 7 il a en forme de V et l'inverse. لي سبعة. سبع. سبع. بنات. très bien. كم جامعة في بلدك؟ أربعة جامعات. ثلاثة. جامعات. Ah, je vous en veux pas parce que c'est un pluriel que vous n'avez pas vu encore. Jam'a. Tu prononces le alif. طيب. كم كتابا عندك؟ عندي ثمانية كتب. نعم كتب. Voilà. Tout le monde a compris, inchallah. Moi, le conseil que je vous donne, c'est de le faire à l'écrit. Voilà. Dans votre cahier, comme ça, ça restera plus. Tu vois. Pourquoi je vous dis ça? Car ce sont des choses, de temps en temps, on n'utilise pas régulièrement. et ça s'oublie vite. Moi le premier. Vous avez compris ça, c'est pour ça. Si vous l'avez bien compris là, écrivez-le. Tu vois. Grand 4, اقرا الجمل الاتيه واكتبها مع كتابه الاعداد الوارده فيها بالحروف. طيب. Il demande d'écrire quoi les phrases suivantes en écrivant quoi? Les phrases mentionnées, c'est-à-dire avec les chiffres qui sont mentionnés. طيب. On s'est arrêté où? À Kamel, à Mohamed. Très bien. Li arba'atu a ikhwatin wa thalathu akhawatin. Suivant. Mohammedun lahu khamsatu abna'u. Regarde bien. Abna'u. Khamsu. Khamsu. Abna'u. Là, tu avais raison, Afwan, tu avais raison. Khamsa, barakallahu fik. Mohammedun lahu khamsatu abna'in. ثماني بنات طيب سي سامبل يا فرار ce qui vient après il est majrour طيب عندي عشرة كتب وسبع مجلات suivant في المستشفى 9 طبيبات وستة في المستشفى تدي كو 9 سي با 9 9 طبيبات وست Très bien. في المستشفى 9 طبيبات وست ممرضات. رحمك الله. عندك؟ عندي 3 قمصان. نعم عندي 3 قمصان. Suivant. هذه سيارتي 4 أبواب. نعم c'est le 6 là. 6. Mais c'est pareil. Peut-être nous on doit avoir un décal. طيب. Par rapport à non, c'est 4 ici. Indi, arba'atu, qumsani. Naam. Et là, on lit la phrase numéro 6. Vas-y, on recommence. Li hadihi. Très bien. Li hadihi sayyarati, arba'atu abwabin. Fi hadihi al-kalimati, khamsatu hurufin. Très bien. Regarde, il t'a aidé un petit peu. Comment il t'a aidé là? Il t'a mis un sukun. Hein? Pour pas que tu dises Madarasatina. Madarasatina. C'est Madarasatina. Sabahatu. Non, rien. Sabahu. Madarasatina. Tamani. Tamani. Tamani Mudarisati. Non. La chambre. La phrase 9. في بيتنا في بيتنا 10 رجال وعشر نساء. Très bien. في بيتنا نعم في بيتنا 10 رجال وعشر نساء. Suivant. ذهب أبي إلى الرياض قبل 3 أيام. نعم ذهب أبي إلى الرياض قبل 3 أيام. اكتب الأعداد من 3 إلى 10 واجعل كل من الكلمات الآتية معدودا له. 2, 3, 10, et après il te demande de mettre quoi? Les mots dans une phrase. Taïb, Inch'Allah, demain. Al-Kalimat ou Al-Jadidatu. Al-Majallatu, Jam' Al-Majallat, c'est-à-dire magazine, revue. Al-Harf, Jam' Al-Huruf, c'est-à-dire lettre. Indonésia, ça se traduit pas, Indonésia. Al-Kalimat ou Jam' Al-Kalimat, c'est-à-dire mots. Taïb, Kalimat ou une parole. Taïb. نعم. دائما العدد يبرسد المعدود. J'ai acheté par exemple 3 magazines. Comment? Donne-moi un exemple. C'est quoi le chiffre? Le chiffre est proche. Ouais. عندي كلاب وثلاث ما اعلم مي بار رابور اسكو جو سي سي كو العدد يسبق المعدود تو بوركو باسكو بارك الله فيك ما مدخل مضاف الي او الجر مجرور هكذا تو سي جو بوزري سي با اي با افوار دي اكسبسيون تو مي سا نو اون ا با اون كوني با توت لا لانغ عربي اون بو دي رسول ثلاثه Mais après ça, tu vois, il y a beaucoup de tab'a. En fait, pourquoi je dis ça? Salat al-usul, usul thalatha, hadi al-usul thalatha, tu vois. Justement, Ahmed, c'est justement parce que j'ai trouvé comme par rapport à la question de la boucle. Est-ce qu'on peut, si la chose comptée, elle est connue? Ça, c'est ça.